Je m'appelle Anne Dumont. J'habite en banlieue parisienne. Georges, mon mari, est informaticien. Moi, je travaille à mi-temps dans un salon de coiffure. Nos enfants, Luc et Céline, vont à l'école. Valentin, le petit dernier, est encore un bébé. Entre les courses, les enfants, le travail et le ménage, je n'ai pas beaucoup de temps libre.